dans le cocon. Retour à la matrice. Je suis comme un fœtus, lové dans ce cocon de bois et de pierre. Lentement, je régresse et reviens à la mer, dedans la chaude paix, au fond de l'utérus. Mais il faut à la fin le courage de naître à cette ère nouvelle qui sera là bientôt, quand guéri sera l'homme, vide les hôpitaux et belle la nature par-delà les fenêtres. Dans l'abri protecteur au fond duquel on rêve, près des nôtres blottis, on attend. On espère qu'en la maison figée où les craintes prospèrent, chacun verra comment le cauchemar s'achève. Il y aura des chants, des rires et des danses. En nos quartiers atones retentiront les cris des liesses populaires où l'urgence prescrit d'accéder à la vie comme une renaissance.